s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 7. Effondrement sociétal, reconnaître la réalité et la décadence culturelle. La première moitié de ce livre est le résultat de plusieurs années d'analyse de recherche menées dans différentes disciplines universitaires. S'il n'y avait pas eu de recherche scientifique dans les domaines pertinents de l'économie, de l'environnement, du climat, etc., mon équipe et moi-même n'aurions rien eu à analyser et donc rien à rapporter, si ce n'est nos observations, nos intuitions et nos conversations. Je considère que la science, avec ses différentes méthodologies, vaut mieux que de simples rumeurs. Je prends conscience de mon respect envers toute approche scientifique de la connaissance chaque fois que je rencontre quelqu'un qui soutient certaines idées simplement parce qu'elles lui font du bien, malgré les preuves accablantes de leur fausseté. Je pense à des gens comme les Flat Earthers, par exemple. L'expression désigne les personnes convaincues du fait que la Terre est plate. Mais je suis également partagée sur la science et la recherche universitaire en général, parce que chaque discipline académique implique des préoccupations et prescrit des limites qui n'ont pas pour but de nous aider à comprendre ce qui est important pour notre vie. En outre, les chercheurs-chercheuses évoluent dans des institutions qui ont leurs propres priorités. Elles doivent par exemple rechercher le soutien de certains intérêts commerciaux ou étatiques, et dans les cultures professionnelles qui sont façonnées par ces intérêts depuis de nombreuses décennies. Ce n'est qu'en adoptant une approche paradoxalement respectueuse et pourtant sceptique des travaux de recherche existants que mes collègues et moi-même avons pu produire l'évaluation présentée dans les chapitres précédents. L'approche que j'ai adoptée au cours des années de travail consacrées à la rédaction de ce livre a été celle de l'analyse critique de recherche interdisciplinaire. Le premier élément important dans cette approche est qu'elle implique une recherche motivée par l'intention d'identifier les connaissances qui comptent pour une question d'intérêt public. Nous avons donc identifié des publications universitaires issues de différentes disciplines et qui sont potentiellement pertinentes au vu de la question traitée, puis nous les avons analysées pour en dégager les résultats les plus importants. Parfois, les conclusions que nous en avons tirées diffèrent de celles sur lesquelles les chercheurs et chercheuses se sont concentrés dans leurs publications. Notre processus visant à identifier des faits particulièrement pertinents nécessite de croiser les résultats et les affirmations issues de différentes spécialités. Il est facilité par une approche critique qui prend en considération les nombreuses influences affectant tout processus de recherche, qu'il s'agisse de son exécution ou de la dissémination de ses résultats. Je songe notamment aux pressions financières et politiques qui incitent à traiter avec déférence les idées et les institutions établies, à l'influence déradicalisante de nos privilèges, au désir d'éviter les émotions difficiles et à l'idéologie du progrès. Tout cela peut conduire à changer la perception que l'on peut avoir d'où repose la charge de la preuve. Pour effectuer une bonne analyse critique de recherche interdisciplinaire, il peut être utile d'avoir de l'expérience dans différents contextes culturels et professionnels et dans différents domaines scientifiques. Il est également utile d'être formé aux méthodologies scientifiques, à l'histoire et à la philosophie des sciences, aux sciences humaines et à ce que l'on appelle la culture critique. Cela se réfère à la compréhension du comment les cadres, les récits et les discours façonnent ce qui est présupposé, ce qui est exclu ou ce sur quoi on se concentre selon les modalités produites par les relations de pouvoir tout en reproduisant ces mêmes relations. Nous examinerons cela plus en détail dans le chapitre suivant. En l'absence d'une telle expérience et d'une telle formation, lorsque les scientifiques généralisent en dehors de leur domaine d'expertise, cela peut impliquer le recours inconsidéré à des présupposés basés sur le bon sens qui reflètent la culture dominante et excluent les analyses remettant en cause leur vision du monde. En reconnaissant les limites de la recherche réductionniste et des disciplines cloisonnées, les chercheurs, chercheuses qui s'intéressent à la pensée systémique peuvent être plus performants et performantes dans le type de travail interdisciplinaire qu'implique la collapsologie. Le terme se réfère au courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage les risques, causes et conséquences d'un effondrement de la civilisation industrielle. Il a été proposé pour la première fois par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur ouvrage « Comment tout peut s'effondrer » paru aux éditions Seuil en 2015. Cependant, ils et elles n'analysent pas toujours de manière critique le matériel source pour y déceler les préjugés décrits ci-dessus. Malheureusement, l'analyse critique de recherche interdisciplinaire est une compétence qui n'est ni enseignée, ni financée par des bourses, ni récompensée par des possibilités de progression professionnelle. Parce que ce genre d'analyse peut conduire à des conclusions allant au-delà de celles formulées dans les disciplines spécifiques auxquelles elle fait appel, et qu'elle peut reléguer au second plan certaines nuances et certains détails sémantiques, elle peut irriter les chercheurs, chercheuses limités par leur discipline. Lorsque les conclusions sont particulièrement troublantes ou menaçantes pour les institutions dominantes, les réactions peuvent être exceptionnellement négatives et chercher à marginaliser les personnes, les concepts et les organisations concernées. Dans le chapitre suivant, je décrirai plus en détail l'approche que nous avons adoptée et j'expliquerai pourquoi je pense qu'il est important que nous soyons plus nombreux et nombreuses à développer une telle sagesse critique en ces temps d'effondrement. Dans le présent chapitre, je résumerai ce qui, selon nous, est déjà en train de se produire dans les sociétés de consommation industrielle. Je proposerai aussi quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles si peu de chercheurs et chercheuses formulent de telles idées et pourquoi celles et ceux qui le font ne sont pas entendus. Je suis d'avis que ce déni général est à la fois un indicateur et une conséquence de la dégradation du ciment culturel qui donne leur cohésion aux sociétés modernes. Ces dernières années, pour de multiples raisons, on a vu se produire des perturbations massives, voire des effondrements de communautés et de sociétés. Souvent, ces raisons incluent des conflits violents. En filigrane, on discerne aussi l'avidité commerciale et l'agression impériale. L'Irak, la Libye et la Syrie en sont des exemples récents. Par le passé, les puissances coloniales ont souvent détruit des sociétés en les soumettant pour en extraire les ressources. Mais dans ce livre, je décris quelque chose de tout à fait différent. L'effondrement de sociétés modernes qui n'ont jamais été considérées comme risquant de s'effondrer et qui semblent encore fonctionner relativement bien pour une grande partie de leur population. Les fissures de surface sont indéniables, étant donné le déclin des indicateurs clés du niveau de vie des personnes sur tous les continents depuis 2016. Chapitre 1. Les preuves de l'effritement des fondations des sociétés modernes sont également flagrantes et de plus en plus nombreuses. Les structures économiques et monétaires, confrontées aux limites naturelles, sont en train de devenir insoutenables et de succomber enfin à leurs contradictions internes. Chapitres 1 et 2. Le fondement essentiel des sociétés de consommation industrielle, à savoir l'énergie facilement accessible, est lui aussi en train de s'effondrer rapidement. Chapitre 3. La biosphère est si gravement dégradée à l'échelle mondiale qu'il est scientifiquement possible d'affirmer qu'elle est déjà en train de s'effondrer. On commence à peine à comprendre l'impact de ce processus sur l'humanité à mesure que de nouvelles vagues de maladies zoonotiques se déclenchent, suscitant des réactions imprudentes de la part de certains scientifiques qui mènent des expériences de laboratoire risquées. Chapitre 4. En raison de l'activité humaine des 200 dernières années, le climat change si rapidement que les écosystèmes et les systèmes agricoles ne parviennent pas à s'adapter. Chapitre 5. L'ensemble de ces impacts accentue l'effondrement des systèmes alimentaires des sociétés modernes. Chapitre 6. Notre situation précaire est encore aggravée par la complexité et la nature expansionniste des sociétés modernes. Comme décrit au chapitre 1, une société de consommation industrielle repose sur l'interdépendance entre industrie et consommation de masse, résultant d'économies d'échelle rendues possibles par une énergie bon marché, un environnement qu'il ne coûte pratiquement rien de polluer, et des financements et communications complexes, ce qui conduit à la spécialisation, au sein d'énormes opérations, des processus de fabrication et d'autres fonctions commerciales. Du fait de cette interdépendance, si la consommation de masse diminue, l'industrie concernée ne peut pas continuer à produire correctement, et dans ce cas, la consommation qu'elle soutient peut s'effondrer plutôt que de simplement diminuer. Cette vulnérabilité du commerce s'est manifestée au cours des premières années de la pandémie de Covid, lorsque des voitures neuves et d'autres articles sont devenus indisponibles en raison de problèmes dans les complexes chaînes d'approvisionnement mondiales. Même les sociétés qui se sont tournées vers la consommation de masse peuvent dépendre, en partie, des produits et services des sociétés de consommation industrielle, et donc être affectées de la même manière. Cette fragilité est illustrée dans le livre « Comment tout peut s'effondrer », dont les auteurs décrivent la rapidité des effondrements qui pourraient survenir si les camions cessaient de livrer des biens essentiels et du carburant pendant une semaine seulement. Bien que les universitaires qui osent prononcer le mot « effondrement » soient considérés comme des rebelles, des analyses très similaires pointant vers un même état de fait proviennent des organisations les plus établies et influentes. Une agence de recherche de l'ONU pour laquelle je travaillais a déclaré en 2022 que, je cite, « Notre monde est en état de fracture, confronté à de graves crises, ce qui n'est pas un défaut du système, mais une caractéristique de celui-ci, et que celles et ceux qui sont au pouvoir s'efforcent de préserver et de perpétuer un système qui profite à quelques-uns, quelques-unes, au détriment du plus grand nombre. » Fin de citation. Voilà un élément clé. Cet organisme reconnaît que les problèmes du monde ne sont pas un accident, mais une caractéristique du système économique actuel. Ils sont donc endogènes, pour utiliser sa terminologie. Au cas où les diplomates et les experts-expertes lisant leur rapport n'auraient pas compris le message, ces auteurs-autrices poursuivent en expliquant que, je cite, « L'économie sert à créer et à reproduire des crises dans différentes sphères, de la crise économique et financière à la crise du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la pollution et de l'utilisation non durable des ressources, etc. à une crise politique caractérisée par des asymétries de pouvoir croissantes, une réaction brutale contre les valeurs démocratiques et les droits de la personne, une diminution de la confiance et une érosion de la légitimité de l'État, ainsi que des niveaux sans précédent de protestations et de conflits violents. » Fin de citation. Il est donc difficile de nier que nous sommes en train de vivre un effondrement issu des éléments structurants du système. C'est en faisant le lien entre les fissures à la surface et les fractures dans les fondations que je conclus que l'effondrement de la quasi-totalité des sociétés de consommation industrielle a commencé dans les années précédant 2016. En utilisant ce terme, je ne veux pas dire qu'il s'agit d'un processus rapide, mais qu'il est irréversible et qu'on ne peut pas s'en remettre à continuer à vivre comme avant. Nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui ressentent l'arrivée de cet effondrement insidieux, mais qui sont contraintes par la nécessité économique de continuer à vivre comme si de rien n'était. Certains et certaines d'entre nous canalisent aussi leurs angoisses vers ce que l'on nous encourage à considérer comme la dernière menace ou le dernier ennemi en date. Je suis conscient qu'il peut sembler exagéré d'arriver à cette conclusion, alors que tant d'entre nous peuvent encore retirer de l'argent aux distributeurs, envoyer un courrier électronique et mettre de l'essence dans leur voiture. Peut-être qu'une analogie pourrait nous aider. Lors d'une froide nuit d'avril 1912, Mr. Andrews, le principal concepteur du Titanic, rencontrait le capitaine Smith pour lui montrer sur des diagrammes les endroits où l'eau de mer avait déjà pénétré dans le navire. Il leur restait encore quelques heures, mais leur sort était déjà scellé, car plus de 4 compartiments de la coque avaient pris l'eau. Pendant un certain temps, les gens ont poursuivi leur soirée sans se rendre compte de ce qui allait se passer. Même lorsque les canots de sauvetage commençaient à être remplis de femmes et d'enfants, certains et certaines des passagers passagères, les plus riches, continuaient à boire au bar et à écouter l'orchestre. Selon des témoins, de nombreuses personnes affirmaient leur certitude que le navire était, comme notre civilisation, tout à fait insubmersible. D'après une étude ambitieuse des effondrements de civilisations passées et d'autres systèmes vivants, l'usage de ce terme est justifié si, je cite, « les acteurs clés, les composants du système et les interactions disparaissent en moins d'une génération lorsqu'il y a des pertes substantielles d'actifs socio-écologiques qui soutenaient le système avec des conséquences persistant plus longtemps qu'une seule génération. » Fin de citation. Ces critères n'ont pas été conçus pour déterminer si l'on se trouve au cœur d'un système en train de s'effondrer, car ils ne peuvent servir qu'à posteriori, pour qu'un processus soit désigné rétrospectivement comme ayant constitué un effondrement. Il s'agit là d'une limite fondamentale de certains travaux si l'on cherche à comprendre la véritable nature de notre situation actuelle. Quant à moi, j'ai identifié ce qui est en train de se briser et pourquoi. Cela me permet d'affirmer que notre situation est irrémédiable et qu'on peut donc la considérer comme un effondrement. Selon la définition ci-dessus, je suggère que l'effondrement rampant des sociétés modernes que nous connaissons actuellement parviendra à son terme en l'espace d'une génération, donc d'ici 2045, et qu'il éliminera une grande partie de ce qui caractérise ces sociétés, en épuisant les actifs socio-écologiques et en persistant bien plus longtemps qu'une génération, c'est-à-dire au moins jusqu'au siècle prochain. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, si l'on considère la situation comme irrémédiable, le terme effondrement est le plus approprié. Les termes qui sont récemment devenus à la mode, tels que crise systémique, métacrise ou multicrise, sont trompeurs, car ils laissent entendre que l'insoluble pourrait être résolu. Ces termes seront privilégiés par les élites, car ces dernières ne s'incriminent pas et n'encouragent pas non plus la rébellion de la population contre les institutions qui gèrent la situation. Mais si l'on considère que la situation actuelle est bel et bien un effondrement des sociétés modernes, cela peut modifier considérablement nos façons de sentir, de penser et d'agir, comme nous le verrons plus loin dans ce livre. Comme nous devons tous et toutes vivre cet effondrement progressif, ce que les universitaires en pensent peut sembler le cadet de nos soucis. Mais ils et elles peuvent influer sur la façon dont nous comprenons ce qui se passe et comment nous choisissons de réagir. Il reste à voir si les futures études sur l'effondrement des civilisations accorderont une quelconque attention à cette théorie selon laquelle nous sommes déjà au milieu d'un effondrement à l'heure actuelle. Peut-il y avoir une réponse positive à l'effondrement présent? Oui, je crois que c'est possible, et c'est un point que nous explorerons par la suite, notamment au chapitre 12. Malheureusement, les sociétés modernes ne semblent pas bien agir au premier stade de leur effondrement. Plus loin dans ce chapitre, je résumerai certaines données indiquant que le ciment culturel des sociétés modernes est déjà en train de s'effriter. Par le terme « culture », je n'entends pas la musique et le théâtre, mais les idées, les coutumes et le comportement social d'un peuple ou d'une société particulière. Dans le cas présent, les sociétés de consommation industrielle. J'aborderai également la question que de nombreuses personnes me posent, une fois qu'elles ont laissé les informations que je présente pénétrer pleinement leur conscience. Pourquoi ne nous a-t-on jamais parlé de tout cela et d'une manière aussi frontale? Mais tout d'abord, examinons s'il est raisonnable d'arriver à la conclusion que nous sommes déjà au beau milieu d'un effondrement en cours. Réfutez-moi ça. De nombreuses discussions sur les risques et les processus d'effondrement de la société portent sur ce que l'on pense comme il est utile de croire, ou sur ce que l'on souhaite ressentir face à l'avenir. Ce type de discussion met en jeu les identités et les visions du monde des personnes qui y prennent part, ce qui implique de nombreux présupposés et sophismes logiques. Cela peut devenir assez agressif et mener à une diabolisation de celles et ceux qui se retrouvent condamnés car trop négatifs, négatives, comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre suivant. Pour l'instant, un retour aux bases de la méthode scientifique peut nous aider à couper court à tout ce bruit. Je suis parvenue à la conclusion que l'effondrement des sociétés de consommation industrielle avait déjà commencé sur la base de l'observation des tendances montrant le déclin à la fois des intrants clés et de la production matérielle et immatérielle de la plupart de ces sociétés, et parce que je soutiens que ces tendances vont se poursuivre. Sur cette base, les extrapolations qu'on peut effectuer à partir des données récentes laissent à penser que la plupart des indicateurs environnementaux, économiques et sociaux continueront à se détériorer dans la plupart des pays, sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. La conclusion la plus logique est que ces tendances négatives se poursuivront jusqu'à ce que la majorité des personnes dans la majorité des sociétés ne puissent plus satisfaire leurs besoins fondamentaux comme elles le font aujourd'hui. Comme les tendances sont suffisamment rapides pour rendre les sociétés méconnaissables en l'espace d'une génération à partir du moment où ce déclin a commencé, vers 2015, ce processus peut être décrit de manière plausible comme un effondrement sociétal. Comment une telle conclusion pourrait-elle être rejetée en toute confiance pour des raisons scientifiques plutôt qu'en raison d'une détresse émotionnelle? C'est ici qu'il est utile de revenir à un concept de base de la méthode scientifique, la réfutation. On associe ce terme à Karl Popper, considéré comme l'un des philosophes des sciences les plus influents du XXe siècle. Ce dernier a mis l'accent sur l'importance pour toute théorie d'être potentiellement prouvée comme étant fausse par la collecte de données. Dans le cas contraire, selon Popper, toute théorie peut être soutenue tout simplement par enthousiasme, attention sélective et tradition. Il soutient qu'une théorie ne doit pas être considérée comme scientifique si elle ne peut pas être réfutée par des preuves potentielles, bien qu'une théorie de ce type puisse être acceptable dans le cadre d'autres domaines de la connaissance. Ce faisant, il rejette l'approche classique consistant à chercher des preuves pour confirmer nos propres théories. C'est une façon d'éviter le biais de confirmation qui nous pousse à confirmer ce que nous pensons déjà savoir. Examinons donc ce que Karl Popper pourrait penser des données sur la situation difficile de l'humanité. La conclusion selon laquelle l'effondrement généralisé de la société a déjà commencé repose en partie sur la simple observation des données actuelles. La réfutation de cette conclusion pourrait être effectuée si l'on constatait, pendant 5 années consécutives, une amélioration continue de la plupart des indicateurs clés, environnementaux, économiques et sociaux, pour la plupart des pays du monde. Car, par convention, on s'appuie souvent sur une période de 5 années pour déterminer l'existence d'une tendance. Au niveau mondial, ces données pourraient inclure la baisse des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, la diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère, la baisse de la température moyenne mondiale et la réduction ou l'inversion de la perte de biodiversité. Au niveau national, ces données pourraient inclure un indice de développement humain de nouveau en augmentation dans la plupart des pays. Quelqu'un pense-t-il vraiment que c'est possible? En supposant que je sois encore là en 2028, je me ferai une joie d'offrir un verre à quiconque aura eu raison d'affirmer en 2023, date de publication de la version originale de ce livre, que la plupart des indicateurs montreraient 5 années d'amélioration soutenue d'ici 2028. Malheureusement, à cette date-là, il est plus probable qu'on devra recourir au troc pour me payer à boire. Une autre partie de ma conclusion selon laquelle l'effondrement généralisé de la société a déjà commencé repose sur mon affirmation que la plupart des tendances existantes se poursuivront plus ou moins sans interruption jusqu'à ce que les méthodes prédominantes d'organisation humaine ne ressemblent plus à ce que nous appelons aujourd'hui les sociétés de consommation industrielle. Dans les chapitres précédents, j'ai montré que certaines tendances à la rupture des fondements des sociétés modernes sont incroyablement difficiles à changer, par exemple la nature expansionniste de l'économie et de l'argent, ou sont même impossibles à changer en raison de dommages antérieurs, par exemple le réchauffement engagé de l'atmosphère, l'acidification des océans ou le risque de maladies liées à la déforestation passée. Selon les conventions ordinaires de la science, il n'est pas nécessaire d'entrer davantage dans le détail et la charge de la preuve n'existe pas pour les conclusions basées sur une simple extrapolation des tendances actuelles. Si l'on s'en tient aux normes scientifiques, ce sont plutôt les personnes affirmant que les tendances seront suffisamment modifiées pour éviter d'arriver à une telle situation d'effondrement sociétal qui doivent présenter des données prouvant leurs arguments. En effet, ces personnes spéculent sur l'avenir au lieu d'extrapoler sur la base de la situation actuelle. Pour être scientifique, l'argument selon lequel divers changements positifs se combineront pour au moins arrêter les tendances négatives, si ce n'est les inverser, doit tenir compte d'une série de théories dans un certain nombre de domaines. Il doit tenter d'expliquer comment les changements en matière de technologie, d'utilisation des sols et de comportement humain sont non seulement possibles à une échelle et à une vitesse permettant d'arrêter les tendances, mais sont aussi probables du fait de politiques publiques et ou d'autres dynamiques sociétales. La théorie du découplage de la croissance économique et de la consommation de ressources constituerait sans doute une pièce maîtresse de cet argumentaire. Or, non seulement cette théorie est fortement contestée par des recherches indépendantes, comme l'expliquent les chapitres 3 et 4, mais même si ce découplage pouvait vraiment se produire, il faudrait qu'il se déroule à un rythme magique pour inverser la destruction, la pollution et l'intoxication de la terre. La restauration des écosystèmes et l'agriculture régénératrice sont des activités importantes que je finance et promeus personnellement. Mais les écosystèmes se dégradent en raison de changements climatiques plus rapides que depuis des millions d'années, tandis qu'il a fallu plus d'un demi-siècle à l'agriculture pour devenir aussi dépendante des méthodes industrielles qu'elle l'est aujourd'hui. Cela devrait nous inciter au scepticisme, et nous devrions donc nous attendre à ce que les théories suggérant que nous changerons de trajectoire, si nous choisissons de le faire, soient à la fois spécifiques et réfutables. Dans le cas contraire, elles ne sont que des exhortations à garder la foi. Je pense que M. Popper serait d'accord. Je cite « Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement concevable n'est pas scientifique. » Fin de citation. Cela ne signifie pas qu'une telle théorie n'a aucun mérite pour notre compréhension du monde, mais qu'elle ne devrait pas bénéficier du statut de théorie scientifique dans nos sociétés modernes. Par commodité, j'ai précédemment décrit toute personne qui croit au salut des sociétés modernes face à l'effondrement en cours comme étant un ou une éco-moderniste. Les personnes qui utilisent ce terme pour présenter leur position pensent que la technologie, y compris sous des formes qui restent à inventer, nous permettra de faire perdurer des sociétés modernes. Reconnaissant que la technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes essentiels du monde par le biais de l'esprit d'entreprise et des marchés, de plus en plus d'éco-modernistes se sont penchés sur comment les politiques publiques pourraient renforcer l'adoption de nouvelles technologies. Leur théorie est que cela pourrait permettre de transformer les économies assez rapidement pour éviter des perturbations catastrophiques. On se réfère souvent au concept de points de basculement sociaux pour désigner cette théorie. Ces travaux ne s'appuient pas sur les études examinant les changements sociaux de grande ampleur, contrairement à la théorie des mouvements sociaux. Ils ne considèrent pas non plus les études sur le rythme d'adoption des technologies industrielles qui montreraient que les changements qu'ils projettent seraient sans précédent dans l'histoire moderne. Cependant, l'histoire d'un technosalut potentiel ne dépendant que d'une volonté politique pour advenir est très attrayante pour les groupes philanthropiques des élites, comme le Bezos Fund, qui soutiennent ce type de travail. Une réponse positive des élites peut être séduisante pour les experts, expertes et les activistes. Je le sais, car il y a 20 ans, quand j'entendais une scientifique ou un écologiste dire que les choses bougeaient enfin, car un ou une PDG de grande entreprise prenait des engagements audacieux en faveur du changement, cela me paraissait crédible. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est surtout mon solipsisme, mon ego et mon ignorance du monde des affaires qui m'ont poussé à nourrir des espoirs si illusoires. Pour un exemple criant du genre de distractions qui peuvent résulter de ces processus, prenons les arguments sans fondement d'un rapport financé par le Bezos Fund. Selon ce rapport, trois points de basculement principaux pourraient avoir des effets socio-économiques importants. L'usage à grande échelle des voitures électriques, l'obligation légale d'utiliser une nouvelle technologie de fertilisation qui n'existe pas encore, et la technologie alimentaire, telle que les viandes à base de plantes. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, les véhicules électriques ont de tels besoins en termes de batterie et de consommation d'énergie qu'ils n'annuleront pas l'impact des transports sur le changement climatique, mais qu'ils conduiront au contraire à la destruction d'espaces sauvages vierges et de terres de peuples autochtones, tout en aggravant la crise mondiale de l'énergie. Et au chapitre 6, nous avons vu que ni l'ammoniac vert ni les technologies alimentaires telles que la fermentation de précision ne réduiront de manière significative l'impact climatique du secteur agricole. Cela ne signifie pas que l'une ou l'autre de ces choses soit mauvaise en soi, mais les entourer d'un emballage laissant à entendre qu'elles offriraient un techno-salut aux sociétés modernes, nous détournant ainsi de la réalité, est une terrible erreur, comme je l'explorerai plus en détail dans les derniers chapitres de ce livre. Lors de mes lectures de différents articles écrits par des éco-modernistes au cours des dernières années, je n'ai jamais vu la moindre suggestion de leur part concernant des preuves qui réfuteraient leur théorie selon laquelle nous pouvons empêcher un effondrement généralisé des sociétés de consommation industrielle. Ils et elles évoquent plutôt des percées technologiques positives, une plus grande conscientisation sociale et l'essor de mouvements activistes. Ce discours implique que ces derniers devraient promouvoir ces solutions technologiques, une invitation à laquelle beaucoup répondent volontiers. Mais comme nombre de ces éco-modernistes sont des scientifiques et tirent leur crédibilité de ce rôle, il serait tout à fait normal que les activistes leur demandent d'être aussi scientifiques dans leur théorie du techno-salut. En attendant que ces personnes s'expriment sur le genre de données qui permettraient de réfuter leur théorie, voici mes premières suggestions. 1. Des indicateurs de situation environnementale, sociale et économique montrant un déclin continu et généralisé. 2. Des preuves de l'impossibilité physique pour des sociétés à zéro carbone de maintenir en l'état leur niveau de population et leur mode de vie. Et 3. Des preuves que les nouvelles sources d'énergie sont trop limitées pour remplacer les combustibles fossiles à temps, avant que des seuils critiques de température ne soient franchis. En tant que lecteur et lectrice avisée des derniers chapitres, vous connaissez déjà le verdict. Vous savez qu'il existe suffisamment de données concernant chacun de ces domaines pour rejeter les théories des éco-modernistes, selon lesquelles notre trajectoire actuelle d'effondrement pourrait être arrêtée ou inversée. Mais il y a un domaine que nous n'avons pas encore examiné et qui est d'une importance cruciale pour les éco-modernistes et leur théorie des super-points de basculement sociaux et des changements en cascade. C'est un domaine que ces personnes n'abordent pas elles-mêmes, car elles ne sont pas des spécialistes des sciences sociales. Je veux parler de leur présupposé que les sociétés d'aujourd'hui sont plus à même de changer rapidement que par le passé, en réponse aux menaces dont les éco-modernistes s'inquiètent à juste titre. Leur théorie se trouverait réfutée si l'on prouvait que par le passé, nos sociétés disposaient en fait d'un plus grand potentiel de changements sociaux et politiques majeurs, conduisant à des changements de comportement rendus possibles par la technologie. La question est donc de savoir d'où le changement social tire son origine. Celle-ci fait l'objet de différentes théories qui sont débattues parmi les historiens-historiennes et les chercheurs-chercheuses en changements sociétaux, mais les éco-modernistes les négligent. Si nous adoptons le point de vue très courant en sciences sociales et politiques, selon lequel un changement social positif repose sur les souhaits du grand public plutôt que sur la contrainte, alors le potentiel d'un tel changement diminuerait si l'on constatait un déclin au niveau des aspects sociétaux suivants. Les niveaux d'éducation générale, les heures de loisirs, pour permettre la participation politique, les niveaux de participation à la vie sociale et politique au niveau local, la diffusion de compétences et d'espaces de dialogue pluralistes, le nombre de personnes faisant des dons à des œuvres caritatives et la capacité d'action politique au plan local et national face au pouvoir de la finance mondiale. Tous ces éléments sont également des indicateurs du ciment culturel qui unit les sociétés. Plus loin dans ce chapitre, je résumerai les preuves montrant que tous ces facteurs sont en déclin dans de nombreuses sociétés modernes à travers le monde. Mais pour illustrer mon propos, nous pouvons comparer notre situation actuelle à celle de la génération dite des boomers en Occident. Le terme se réfère à la génération issue du baby boom de l'après-Seconde Guerre mondiale, comprenant des personnes nées entre les années 1940 et le début des années 1960 approximativement. Dès le début des années 1970, les personnes de cette génération connaissaient déjà les menaces qui pesaient sur l'environnement et le caractère non durable des sociétés de consommation industrielle. Elles s'engageaient déjà dans des mouvements sociaux radicaux tels que ceux des hippies, de l'antimilitarisme et des droits civiques. Et elles subissaient déjà des chocs pétroliers qui les sensibilisaient à la rareté de l'énergie. Par rapport à aujourd'hui, les gens de cette génération disposaient de plus de temps libre, d'un revenu relativement plus élevé, d'une plus grande participation à la vie sociale et politique locale, d'une plus grande appartenance syndicale et d'un endettement individuel et collectif bien moindre. La planète ne comptait que 3,5 milliards d'êtres humains et la consommation d'énergie par personne était très inférieure à celle d'aujourd'hui, tandis que les écosystèmes et le climat étaient dans un état raisonnable. S'il y a eu une période où un point de basculement social aurait pu se produire, c'était à ce moment-là. Malheureusement, le basculement s'est fait dans une autre direction. Les dirigeants et dirigeantes de presque toutes les sociétés modernes ont choisi la mondialisation néolibérale et la poursuite du statu quo impérialiste, appuyé par des guerres sporadiques, pour empêcher tout gouvernement de s'écarter de cet ordre mondial. Certains et certaines d'entre nous ont conclu que l'avenir subira des perturbations d'une ampleur que les écomodernistes refusent d'envisager. Cela mène ces derniers et dernières à se considérer, à tort, comme plus scientifiques. Pourtant, leurs raisonnements ne sont qu'autant de spéculations sur l'avenir, alors que les personnes qu'ils et elles appelleraient sans doute des défaitistes ou des catastrophistes ne font qu'extrapoler à partir des tendances actuelles. Bien que de nombreux écomodernistes fassent de la science leur travail quotidien, lorsqu'ils et elles affirment que nous pouvons sauver les sociétés modernes, ils et elles endossent un rôle d'idéologue. Le principe de rationalité, selon lequel nous donnons la priorité aux données empiriques et construisons des modèles de la réalité sur cette base, plutôt que de maintenir des récits fondés sur la tradition, la superstition ou l'autorité brute, est un aspect de la modernité dont nous avons tous et toutes bénéficié. Il est curieux que les écomodernistes abandonnent la rationalité et la méthode scientifique lorsqu'ils et elles proclament que le technosalut de l'espèce humaine est possible si seulement nous y croyons tous et toutes suffisamment. Personnellement, je trouve les spécialistes des sciences naturelles beaucoup moins intéressants, intéressantes et sages sur les questions métaphysiques que les maîtres des grandes traditions de sagesse. Peut-être parce que je préfère que ma spiritualité soit nourrie au contact de personnes moins férues de statistiques. Il se pourrait aussi que ce soit une anxiété refoulée qui les pousse à s'écarter des principes scientifiques normaux pour s'engager dans une techno-idolâtrie extrémiste, ce qui expliquerait pourquoi certaines écomodernistes déforment les arguments, les intentions et les idées politiques des personnes qu'ils et elles qualifient de catastrophistes pour mieux les dénigrer. On pourrait me taxer de prophète de malheur. Pourtant, contrairement à ces personnes, je n'émets pas de prophétie. Je ne fais que constater ce qui se produit déjà, d'après les scientifiques qui collectent des données dans différents domaines d'expertise. En me concentrant sur les changements qui sont déjà à l'œuvre et qui échappent largement au contrôle humain, je suis parvenu à ma conclusion sans avoir besoin d'évoquer les menaces liées à des phénomènes tels que l'intelligence artificielle générale ou les impacts d'astéroïdes. Ces dernières sont abordées dans le domaine de recherche du risque existentiel, rendu populaire par des philosophes financés par des milliardaires. C'est un domaine qui a minimisé l'importance des processus qui mettent déjà en péril l'avenir de l'humanité, comme le changement climatique, peut-être parce que cela impliquerait d'examiner, de manière critique, l'idéologie moderniste qui a conduit à ces crises, ou du moins qui les a accompagnées, ainsi que les propres cadres intellectuels des personnes conduisant ces recherches. Affirmer qu'il est trop tard reste tabou. Si les signes sont partout autour de nous, pourquoi l'effondrement actuel n'est-il pas omniprésent dans les médias et la société? En fait, il l'est bel et bien. La désagrégation des sociétés modernes est largement explorée dans les arts, notamment la musique, le cinéma, la comédie et la littérature. Les artistes concernés s'inspirent d'un sentiment largement répandu dans la société. Une étude menée dans 10 pays par l'université de Bath a révélé que 83% des jeunes âgés de 18 à 25 ans étaient d'accord pour dire que les gens n'ont pas pris soin de la planète. Plus de la moitié d'entre eux pensaient que l'humanité était condamnée et 4 jeunes sur 10 hésitaient à avoir des enfants. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, ce sentiment persiste malgré le récit dominant promu par des personnes issues des classes moyennes, supérieures et éduquées à travers leur prise de parole publique. Ce récit nous conditionne à croire en la technologie et au système actuel, afin que nous continuions à étudier, à travailler, à consommer et à obéir. C'est pourquoi le sujet de l'effondrement demeure tabou dans les médias grand public, la politique et les institutions de la vie publique. Parce qu'il s'agit d'un réel problème pour les discussions qui doivent avoir lieu publiquement sur ces questions, je souhaite apporter quelques réflexions supplémentaires à celles que j'ai proposées dans l'introduction, afin d'expliquer pourquoi les experts expertes, les activistes, les médias et d'autres continuent à faire en sorte que ce sujet reste marginal dans le discours public. La raison la plus évidente du manque de discussion scientifique mainstream sur l'effondrement sociétal est la nature cloisonnée de la recherche. Cela s'explique notamment par le fait que la méthode scientifique est principalement fondée sur la pratique consistant à examiner un objet ou un système complexe en le décomposant en ses éléments les plus simples. On appelle cette approche le réductionnisme et elle demeure essentielle. Par exemple, il est plus facile de comprendre certains aspects du corps humain si l'on comprend le fonctionnement d'une seule cellule. Cependant, si l'on se limite aux composants individuels comme les cellules, on comprend mal la manière dont ils sont liés au niveau des systèmes complexes. Les systèmes complexes présentent des caractéristiques émergentes qui ne peuvent être prédites uniquement à partir de leurs éléments de base. Par exemple, on ne pourrait pas prédire l'existence d'une culture humaine sur la base de l'analyse de cellules humaines. C'est pourquoi les aspects vraiment importants de la réalité sont invisibles pour les approches réductionnistes de la connaissance. Nate Higgins explique si bien les limites de ce paradigme atomistique qu'il vaut la peine de le citer intégralement. La nature même de l'expertise dans nos sociétés actuelles consiste en celle d'un ou d'une scientifique qui sait tout ce qu'il y a à savoir à propos d'une tranche incroyablement étroite de la réalité. Cette personne n'aura souvent aucune idée de la manière dont le monde fonctionne, en ce qui concerne les dimensions les plus importantes de notre expérience de ce dernier. Par exemple, Stephen Hawking, expert en cosmologie des trous noirs, pensait que c'était une bonne idée de terraformer Mars pour que nous puissions nous y installer. Il s'agit d'une idée qui est impossible, et même trivialement impossible, sur les plans énergétiques et technologiques, et en termes de probabilité, comme le démontrera toute synthèse basique des connaissances issues de diverses disciplines scientifiques. Mais notre culture manque d'experts, expertes, synthétiseurs, synthétiseuses, de haut niveau, pour le souligner. Les ultra-spécialistes gagnent des prix Nobel, tandis que les synthétiseurs, synthétiseuses, focalisés sur la pratique, ont de la chance si ils et elles obtiennent un emploi sous-payé d'enseignants de sciences dans le secondaire. De plus, ces personnes doivent acquérir cette compétence par elles-mêmes, car la société actuelle n'a que faire de la notion même de généraliste à un niveau scientifique avancé. L'argent, la fonction de professeur titulaire et le statut reviennent actuellement à celles et ceux qui deviennent des savants et savantes au sein d'une tranche étroite d'une certaine discipline et qui contribuent à l'activité génératrice de surplus de leur entité ou entreprise, même s'ils et elles sont moins talentueux et talentueuses que la moyenne selon une perspective élargie. Cela conduit à une société dans laquelle on trouve de petits îlots d'une science rigoureuse qui ne sont reliés entre eux que de manière ténue par ce qui est essentiellement des contes de fées. Fin de citation. La nature cloisonnée de la recherche ne nous aide pas à comprendre la situation à laquelle l'humanité est aujourd'hui confrontée. Par exemple, les personnes qui travaillent sur la sécurité alimentaire ne prennent pas pleinement en compte les impacts du changement climatique sur les marchés de l'assurance qui affectent les entreprises alimentaires. Tandis que les personnes qui analysent les menaces que le changement climatique fait peser sur les sociétés ne comprennent pas pleinement tous les facteurs qui influencent la sécurité alimentaire. En outre, aucun des deux groupes de spécialistes n'intègre l'ensemble des changements plus vastes en matière d'approvisionnement énergétique et de déclin des écosystèmes. Entreprendre l'examen d'un ensemble de travaux sur les fondements interdépendants de la société moderne, comme j'ai tenté de le faire dans ce livre, n'est pas seulement difficile, c'est aussi une tâche qui n'est pas récompensée par des bourses universitaires, ni acceptable pour des revues universitaires qui se concentrent sur des domaines scientifiques restreints. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de n'enseigner qu'à mi-temps dans mon université pendant quelques années, afin d'avoir le temps d'entreprendre les recherches nécessaires à la rédaction de ce livre. Le phénomène du biais de normalité constitue une autre raison pour laquelle l'effondrement sociétal est un sujet marginal dans la recherche, les médias et la politique. Bien que chaque personne soit influencée par de nombreux types de préjugés, certains sont plus répandus que d'autres et maintiennent une compréhension partagée de la réalité au sein de la société. Le biais de normalité est beaucoup étudié pour expliquer les préparations inadéquates aux catastrophes naturelles, aux crashs boursiers, ou aux calamités causées par l'erreur humaine. Il est clair que l'effondrement de nos sociétés est un processus ou un événement anormal. Une attente de normalité façonnerait donc subtilement les questions et les conclusions des chercheurs-chercheuses, ainsi que des journalistes et autres personnes qui relaient leurs résultats. Un autre aspect de la normalité est la perspective, hégémonique au sein de la modernité impériale, selon laquelle le contrôle humain et le progrès sont des choses qui existent et qui sont persistantes et bénéfiques. De ce fait, toute conclusion contraire à ces hypothèses peut être ressentie comme anormale et même quelque peu irritante. C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux, nombreuses experts-expertes m'ont critiqué en 2018 pour avoir conclu que l'effondrement de la société était inévitable. Dans mon article sur l'adaptation radicale, j'avais simplement supposé que les trajectoires du changement climatique et des contributions humaines à ce changement se poursuivraient jusqu'à leur terme. Mes détracteurs, détractrices faisaient peser la charge de la preuve sur toute personne concluant qu'une pomme qui tombe finira par heurter une tête immobile. Ils et elles ne s'embarrassaient pourtant pas d'une telle charge de preuve pour imaginer un renversement magique des lois de l'univers. Il faut croire que l'idée même de se prendre ce genre de pomme en pleine tête était trop douloureuse. Avec le recul, je me rends compte que j'ai succombé à l'hégémonie en débattant avec elles et eux du caractère inévitable de l'effondrement, au lieu d'examiner de plus près l'éventail plus large des preuves, comme je l'ai fait dans ce livre. En effet, ces preuves montrent que l'effondrement de la société a déjà commencé, subtilement dans certains endroits et de manière choquante ailleurs. Les influences politiques auxquelles sont soumis les organismes scientifiques et qui incluent la question de leur financement accentuent le biais de normalité parmi les chercheurs-chercheuses. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, en fournit un exemple pertinent et dont les conséquences seront probablement fatales pour des milliards de personnes, comme je l'ai expliqué au chapitre 5. Ce n'est qu'après avoir commencé à examiner la méthodologie utilisée par le GIEC pour parvenir à ses conclusions que j'ai saisi clairement l'objectif de nombre des scientifiques y travaillant, à savoir produire des résultats susceptibles d'être utilisables par les décideurs-décideuses politiques. En soulignant cela, je ne critique pas les scientifiques qui sont engagés dans le GIEC. Je reconnais que nombre d'entre elles et eux ont tenté de tirer la sonnette d'alarme et ont été ignorées. Je me contente d'identifier les processus systémiques qui créent une image de la réalité plus optimiste que celle que je décris dans ce livre. L'une des illustrations les plus frappantes de la façon dont les spécialistes de l'environnement ont minimisé les implications de leurs résultats est une étude qui a révélé que depuis les années 1990, les conclusions publiées sur l'écologie sont devenues moins alarmantes, alors que les données d'observation et les prédictions théoriques de ces mêmes documents indiquaient une aggravation de la situation. Cela nous rappelle que davantage de recherches sur notre situation ne produisent pas nécessairement des informations ou des actions plus pertinentes. Au contraire, quand un plus grand nombre de professionnels travaillent sur un sujet donné, davantage d'intérêts personnels et institutionnels entrent en jeu et la possibilité d'effectuer des découvertes significatives passe au second plan. En outre, le volume croissant de textes et d'idées sur un sujet peut devenir une barrière à l'entrée ainsi qu'une barrière à la clarté pour les personnes commençant à s'intéresser au sujet qui se trouve confronté à une foison de terminologie et de débats sémantiques. Les plus grandes organisations environnementales et les médias spécialisés sont influencés à la fois par le biais de normalité et par des considérations politiques. Les ONG et les groupes militants écologistes cherchent à obtenir des fonds, de l'attention et des réponses de la part des institutions dominantes qu'ils critiquent. Étant donné que ces organisations recherchent le soutien de personnes dont elles pensent qu'elles seront écoutées en haut lieu, elles font généralement preuve de déférence à l'égard des membres des classes moyennes supérieures et éduquées. De nombreuses personnes travaillant dans de tels contextes finissent par vouloir être applaudies par les élites pour la validité de leurs critiques. Elles peuvent être agacées par d'autres qui ne cherchent pas une telle reconnaissance et tenter alors de définir les limites de ce qui est approprié en tant que thème de campagne. Nombre de celles et ceux qui travaillent sur des sujets liés à la durabilité voient leurs revenus et leur estime de soi comme étant liés à l'idée qu'ils et elles contribuent à changer positivement les organisations et les sociétés. La possibilité que ces efforts aient échoué constitue donc une remise en cause de leur identité. À la menace d'une telle mort de l'ego, s'ajoutent les émotions difficiles que nous ressentons toutes et tous lorsque nous craignons pour notre avenir et celui de nos proches. Or, c'est par désir d'éviter les émotions difficiles que les gens refusent d'accepter que nous sommes dans une ère d'effondrement. S'exprimer sur ces sujets est encore plus douloureux, car il est naturel qu'on préfère éviter de contrarier les autres. Mon article sur l'adaptation radicale n'était pas destiné au grand public. Lorsqu'il est devenu viral, je me suis inquiétée des possibles répercussions émotionnelles qu'il pourrait entraîner et j'ai évité de promouvoir le sujet par le biais des médias de masse. J'ai plutôt essayé d'approfondir mes connaissances en psychologie et d'aider les psychologues à soutenir les personnes qui parvenaient à des conclusions similaires aux miennes. Cependant, en constatant les perturbations croissantes au sein des sociétés et les manipulations de ces mêmes sociétés par des élites paniquées, chapitre 13, j'ai décidé de changer d'approche. Vous lisez ici les résultats de ce changement. C'est très difficile à entendre pour nombre de mes collègues travaillant dans le champ du développement durable au cours des dernières décennies. Mais en tant que professionnels issus de la classe moyenne, nous sommes statistiquement beaucoup plus susceptibles de faire l'apologie de l'ordre sociétal établi que les classes ouvrières ou les personnes moins éduquées. Il existe différentes théories pour expliquer ce phénomène. L'une d'entre elles met en avant le fait que nous sommes relativement à l'abri des souffrances infligées par les systèmes actuels. Si nous n'avions pas les moyens de chauffer nos maisons ou de manger à notre faim, nous serions peut-être moins enthousiastes à l'idée de soutenir les pouvoirs en place. Le fossé entre les riches et les pauvres est aujourd'hui si vaste que les classes moyennes supérieures et éduquées peuvent se trouver gravement déconnectées de l'expérience de la plupart des gens dans leur propre pays, et a fortiori dans le reste du monde. Cela peut contribuer à expliquer pourquoi certaines recherches sur les effondrements de civilisations passées identifient l'inégalité comme un facteur contributif clé. Dans une étude, les données compilées par les chercheurs-chercheuses montrent que par rapport aux gens ordinaires, les élites restent protégées beaucoup plus longtemps des effets les plus néfastes de l'effondrement environnemental, de par la richesse qu'elles monopolisent. Cela leur permet de maintenir le statu quo, business as usual, malgré l'imminence de la catastrophe. Le même mécanisme, selon ces auteurs-autrices, pourrait expliquer comment, dans l'histoire, des effondrements ont été rendus possibles par des élites qui semblent ne pas avoir eu conscience d'une trajectoire catastrophique, ce qui apparaît le plus clairement dans les cas des Romains et des Mayas. La situation est encore pire aujourd'hui, car nos élites sont non seulement isolées des problèmes, mais profitent aussi activement des multiples crises en cours. Elles font cela en s'appuyant sur leur influence et en abusant de leur pouvoir sous le couvert d'actions d'urgence, comme nous l'avons vu au chapitre 2, tout en se sentant plus justifiées dans leur attitude misanthropique à l'égard du public, comme nous l'étudierons plus en détail au chapitre 13. De nos jours, les inégalités faussent tous nos processus sociaux et politiques. La façon dont cela se produit a été bien résumée par mes anciens collègues de l'ONU, ce qui me rappelle que certains universitaires peuvent encore briser les carcans. Je cite « Les inégalités économiques et sociales entraînent et sont entraînées par les inégalités politiques, les élites accumulant influence et pouvoir pour préserver et perpétuer un système qui profite à quelques-uns, quelques-unes, au détriment du plus grand nombre. » Fin de citation. Le fait que leur rapport ait été ignoré par le reste de l'ONU, la communauté internationale et les grands médias est un indicateur des filtres imposés par les institutions dominantes sur notre réalité. Conflits en cascade. Certains acteurs de la société veulent vraiment essayer de savoir ce que l'avenir nous réserve, en particulier les armées et les fonds spéculatifs du monde entier. Malheureusement, leurs évaluations de l'avenir et des mesures à prendre ne sont pas très positives, comme nous le verrons au chapitre 13. L'une des raisons pour lesquelles certaines stratèges militaires explorent des scénarios d'effondrement est que de telles perturbations peuvent entraîner des migrations et des guerres civiles ou même internationales. De nombreuses analyses du conflit en Syrie depuis 2011 ont identifié une sécheresse pluriannuelle, aggravée par le changement climatique, comme l'une des causes du conflit. La sécheresse a contraint les familles à quitter leurs terres et à s'installer dans les villes, où certaines personnes se sont radicalisées auprès de groupes qui les aidaient à survivre. Selon les estimations officielles, au cours des 10 dernières années et à l'échelle mondiale, 21,6 millions de personnes en moyenne ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays à la suite de catastrophes liées au climat. À la fin de l'année 2021, près de 6 millions de personnes étaient dans ce cas en raison de catastrophes. Selon l'Institute for Economics and Peace, IEP, si les catastrophes naturelles se poursuivent au même rythme qu'au cours des dernières décennies, 1,2 milliard de personnes pourraient être déplacées dans le monde d'ici 2050 en raison de changements environnementaux. Lorsqu'il y a des mouvements massifs de population, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières, beaucoup de gens et de gouvernements réagissent avec compassion et solidarité. Mais ces migrations peuvent aussi être à l'origine de tensions politiques. Au cours de la décennie passée, l'afflux en Europe de migrants fuyant les zones de conflit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient a eu un impact sur la politique du continent. Il a déplacé l'attention publique vers de nouvelles questions et a eu une incidence sur les élections et les référendums. Depuis des années, tout un ensemble d'organisations humanitaires internationales, de la Croix-Rouge à diverses associations caritatives, tire la sonnette d'alarme sur les effets du changement climatique. Outre les impacts climatiques, l'effritement des fondements sociétaux de l'économie, de l'énergie, de l'alimentation et de la biosphère contribuera à de nouvelles migrations, à des conflits civils et à des guerres potentielles. Par exemple, c'est un fait établi que la demande de ressources naturelles telles que les pierres et les métaux précieux peut devenir une malédiction des ressources, resource curse, pour certaines parties du monde, car elle provoque des conflits. Ainsi, les terres rares qui alimentent les batteries permettant l'électrification de certains pays, qui réduisent leurs émissions mais pas leur consommation, sont de plus en plus demandées. Et cette demande croissante est susceptible de provoquer d'autres conflits, une potentielle malédiction des ressources vertes. Il n'est donc pas surprenant qu'un domaine d'étude appelé la sécurité humaine, human security, s'intéresse de plus en plus à la réduction des dommages dans un monde qui se fracture plutôt qu'à la préservation de la paix dans le monde. Au lieu de se concentrer sur les horribles souffrances présentées dans les journaux télévisés du soir, ce livre vous apporte la preuve que les personnes qui regardent ces informations sont également en danger. Une telle analyse permet d'expliquer pourquoi le sentiment de sécurité des personnes diminue dans presque tous les pays, y compris les plus riches. Bien que les souffrances soient beaucoup moins aiguës dans de nombreux endroits, au plan mondial, nous sommes aujourd'hui à la fin de la sécurité humaine, telle qu'on la conçoit traditionnellement. Nos efforts pour faire le bien dans le monde peuvent donc s'orienter vers la réalisation de scénarios futurs moins mauvais ou de dystopies moindres. Mais avant d'explorer les moyens d'y parvenir, il peut être utile de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. En tant que sociologue, j'ai rencontré de nombreux modèles de ce qui constitue une société. Nombre d'entre eux ignorent ou tiennent pour acquis les fondements essentiels de l'économie, de l'argent, de l'énergie, de la biosphère, du climat et de l'alimentation que nous avons explorés dans les chapitres précédents, tout en mobilisant des théories très abstraites sur la nature de la société, ce qui ne nous est pas d'une grande aide ici. C'est pourquoi j'utiliserai ici un nouveau modèle pour décrire certaines des exigences culturelles fondamentales pour le fonctionnement continu des sociétés de consommation industrielle. Il s'agit des idées, des coutumes et des comportements sociaux qui constituent ce que nous pouvons décrire comme le ciment culturel d'une société, quoi qu'on pense de leur mérite. Dans les pages qui suivent, je décrirai certains des ingrédients de ce ciment culturel sur les plans de la loi, du commerce, de la politique, de la coopération et du bien-être, ainsi que les signes indiquant qu'ils sont peut-être déjà en train de s'effriter. Lorsqu'on reconnaît que de tels changements indiquent le début d'une ère de l'effondrement, cela peut influer sur la manière dont nous les aborderons à l'avenir. Les ingrédients juridiques, commerciaux et politiques du ciment culturel. Les sociétés de consommation industrielle ont besoin de systèmes juridiques qui s'appuient sur le consentement, la coutume, les avocats, avocates, les tribunaux, la police et les prisons. Les éléments clés de ces systèmes juridiques sont les droits des individus, tels que le respect de la vie privée et les libertés d'expression, de croyance et d'association. C'est ce que l'on peut appeler l'ingrédient juridique du ciment culturel des sociétés modernes. Les dispositions économiques les plus fondamentales permises par ces systèmes juridiques comprennent la propriété, les contrats, l'argent, le crédit, l'assurance et la fiscalité, ainsi que la liberté d'association et de commerce. Cela permet de mettre en place une panoplie d'arrangements tels que des compagnies, des prêts ou du capital risque pour des investissements à grande échelle. L'ensemble de ces éléments constitue l'ingrédient commercial du ciment culturel des sociétés modernes. Les ingrédients juridiques et commerciaux sont complétés par l'ingrédient politique du ciment culturel. Le rôle du gouvernement dans la réduction des activités commerciales négatives, la prévention des monopoles et le traitement des défaillances du marché pour répondre aux besoins publics constitue cet ingrédient politique essentiel pour que les sociétés de consommation industrielle soient à la fois légitimes et tolérables. Il implique aussi de réduire l'impact néfaste des inégalités et des bureaucraties qui veillent sur leurs propres intérêts, qu'elles soient publiques ou privées. Ces trois ingrédients sont généralement considérés comme allant de soi. Pourtant, je soutiens qu'ils montrent tous des signes de détérioration dans différents pays au cours des dernières années. La question de savoir si nous déplorons ou non une partie de cette désolidarisation des sociétés modernes doit faire l'objet d'une discussion philosophique, comme je le tenterai dans les chapitres suivants, mais il est d'abord important d'observer ce qui se passe. Ces dernières années, dans la plupart des pays du monde, on a assisté à une surveillance sans précédent de nos communications privées, à la suppression de la liberté d'opinion dans les sphères publiques numériques et à une réduction des droits de manifestation et de grève. Il s'agit d'un phénomène international. Il existe donc des facteurs mondiaux. Le facteur le plus évident est que les sociétés transnationales et la classe capitaliste transnationale qui, selon les économistes politiques, les administrent, cherchent toujours à mieux surveiller nos vies, influencer nos opinions et nous empêcher de faire obstacle à leurs intérêts. On se réfère désormais à cette classe sous le nouveau terme de mondialiste, globaliste. Mon expérience de Davos, avant de décrocher, m'a montré à quel point ils et elles croient au mythe selon lequel leur pouvoir et leur richesse les invitent à façonner le monde, et à quel point cela les rend susceptibles de négliger les droits fondamentaux des gens comme vous et moi. Cela n'augure rien de bon pour l'avenir, car ces personnes cherchent à éroder toujours davantage le ciment culturel des libertés civiles fondamentales garanties par la loi, ce que nous examinons plus en détail au chapitre 13. Il serait peut-être utile qu'ils et elles se concentrent davantage sur des façons de réparer certains des ingrédients commerciaux qui cimentent les sociétés modernes, tels que le secteur des assurances. Ce secteur a joué un rôle clé dans nos sociétés, car assurer les biens et les activités commerciales permet de répartir les risques des activités à grande échelle et sur le long terme. Ce secteur est l'un des plus importants au monde, avec plus de 36 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les paiements, les primes et les coûts de réassurance sont tous en augmentation en réponse aux impacts du changement climatique. Dans les pays de l'OCDE, les pertes économiques dues aux tempêtes, aux inondations, aux incendies de forêt et aux tremblements de terre ont augmenté au fil du temps, passant d'une perte annuelle moyenne de 58,6 milliards US$ entre 1990 et 2009, à 89,5 milliards entre 2010 et 2019, soit une augmentation de près de 53%. L'OCDE a indiqué que les pertes économiques annuelles pour la période 2010-2019 étaient supérieures de 217% pour les incendies de forêt, de 141% pour les tremblements de terre, de 56% pour les tempêtes et de 39% pour les inondations, par rapport à la période 1990-2009. L'Australie est un pays économiquement avancé qui a connu des catastrophes intenses et récurrentes ces dernières années. Dans ce pays, le coût de l'assurance habitation contre les inondations a été multiplié par 3 en 15 ans, si bien que de nombreuses personnes choisissent de ne pas être assurées. Dans plusieurs économies avancées, les propriétaires constatent que leur maison n'est plus assurable contre les incendies et les inondations. Malgré ces changements dans le secteur, certains événements rendus plus probables ou plus graves par le changement climatique ont déjà conduit à l'effondrement de certaines entreprises. Ainsi, le quatrième assureur de Floride a fait faillite à la suite de l'ouragan Katrina aux États-Unis. Face à la menace qui pèse sur leur secteur, certaines politiques publiques défiant la réalité ont vu le jour. Aux États-Unis, des promoteurs immobiliers ont ainsi fait pression sur les gouvernements des États pour qu'ils interdisent aux compagnies d'assurance d'utiliser les recherches officielles du gouvernement sur l'élévation future du niveau de la mer, afin que ces compagnies ne refusent pas de les assurer ou pour les empêcher d'augmenter leurs primes. Il est peu probable que de telles rustines, si surprenantes soient-elles, tiennent très longtemps. En réalité, le secteur de l'assurance se trouve dans une impasse, car l'évaluation des risques sur la base d'événements passés n'est plus pertinente dans un monde qui évolue aussi rapidement. Le secteur de l'assurance risque d'entrer dans une spirale descendante à mesure que les primes deviennent trop élevées et que de plus en plus de personnes et d'entreprises refusent de s'assurer. Étant donné que ce secteur exige que la plupart des personnes et des organisations payent des polices sans jamais faire de demande d'indemnisation, ce modèle d'affaires originel tend à imploser au fur et à mesure que se multiplient les perturbations. De ce fait, outre les tragédies individuelles que peuvent occasionner des sinistres pour les personnes non couvertes, cela créerait des effets systémiques sur l'économie dans son ensemble, en particulier si l'évaluation financière du secteur venait à s'effondrer. Comme décrit dans les chapitres 1 et 2, les systèmes monétaires et économiques nécessitent une expansion continue pour rester stable, alors que, comme décrit dans les chapitres 3 et 4, l'approvisionnement en énergie et en ressources pour garantir cette expansion est compromis. Le contexte est encore plus problématique pour un secteur crucial comme celui de l'assurance, qui est désormais soumis à un stress existentiel. Notre confiance dans l'argent que nous utilisons est un autre facteur du ciment culturel. C'est pourquoi il est extrêmement important que les présupposés selon lesquels l'argent a de la valeur, qu'il est une institution légitime et que sa distribution inégale est elle aussi légitime, bien que malheureuse, soient maintenant rendus visibles et remis en question. Cette prise de conscience a commencé à s'opérer lors de la crise financière de 2008, parallèlement aux innovations monétaires qui ont vu le jour peu de temps après. L'inventeur du Bitcoin a même écrit dans son livre blanc qu'il s'est inspiré de la manière dont les gouvernements ont créé des milliards pour les remettre aux institutions financières pendant cette crise. Comme le montrent les études dans ce domaine, nombre d'utilisateurs-utilisatrices de crypto-monnaies se sentent aliénés vis-à-vis du système monétaire, qu'ils et elles considèrent non seulement comme un gâchis de richesses potentielles en raison de l'inflation, mais aussi comme fondamentalement corrompu par nature. Ce n'est pas une raison pour admirer les pratiques à la cowboy capitalism qui prédominent dans le secteur des crypto-monnaies. Mais les sentiments qui motivent l'adoption de ces dernières sont un indicateur de la dissolution de l'un des ingrédients les plus importants du ciment culturel des sociétés modernes. Cette aliénation a commencé à se produire avant même que la plupart des gens soient informés des agissements des banques centrales sous le couvert de la pandémie, que nous avons examiné au chapitre 2. Imaginez ce qui se passerait si davantage de personnes réalisaient que les banques centrales ont soutenu des entreprises qui auraient mieux fait de disparaître de l'économie, qu'elles ont privilégié les plus grandes entreprises par rapport aux autres, laissant libre cours à des tendances monopolistiques, qu'elles ont appauvri le grand public par l'inflation, et qu'elles ont créé un risque systémique en encourageant des investissements importants du secteur financier dans la dette opaque et risquée des entreprises. en volume de dollars, de livres et d'euros, il s'agit du plus grand cas de corruption financière au monde. Cette corruption est jugée légale par des instances régulatrices dont l'irresponsabilité reste inaperçue, car ni le public ni les politiciens-politiciennes ne semblent comprendre ce qui se passe. Cette ignorance pourrait ne pas durer très longtemps. Le fait que les milliardaires puissent exister et qu'ils et elles puissent gagner ou perdre un milliard d'un jour à l'autre enlève toute crédibilité au système monétaire auquel nous participons toutes et tous. Et la situation devient de plus en plus ridicule. En raison des politiques publiques imposées pendant la pandémie, y compris les formes frauduleuses d'assouplissement quantitatif, il y a eu une augmentation record du nombre de milliardaires et de leur accaparement des richesses. En 2022, il y avait environ 2750 milliardaires détenant 3,5% des richesses mondiales, tandis que les 50% les plus pauvres de la population de la planète possédaient environ 2% des richesses. Au cours de la pandémie, les milliardaires ont accumulé 4,1 trillions de dollars, alors que 100 millions de personnes ont été plongées dans l'extrême pauvreté par les politiques gouvernementales. Plus généralement, comme ces écarts de richesse extrêmes n'ont pas grand-chose à voir avec les compétences, le talent, le travail ou la contribution de chacun, chacune à la vie de la société, les citoyens, citoyennes ordinaires en viennent à perdre tout respect, à juste titre, pour les systèmes auxquels ils et elles participent. Les gouvernements nationaux restent un élément fondamental du fonctionnement des sociétés modernes et l'identité nationale joue un rôle important dans la façon dont les gens conçoivent leur vie. Une plus grande méfiance à l'égard des institutions gouvernementales n'est pas nécessairement mauvaise, car il a été constaté qu'elles stimulent l'engagement politique et signalent une volonté de juger les institutions politiques selon leurs propres mérites. Toutefois, cette méfiance généralisée et croissante signalerait une dégradation d'un élément clé de la vie moderne. C'est pourquoi la tendance constante à la baisse de la confiance dans les gouvernements au sein des pays de l'OCDE est révélatrice. Selon une enquête internationale, la majorité des personnes interrogées estimaient que les dirigeants-dirigeantes essayaient délibérément d'induire les gens en erreur en disant des choses qu'ils et elles savaient fausses. On peut expliquer ce genre d'opinion de différentes façons. En particulier, mentionnons la perception répandue que les gouvernements sont inefficaces dans la régulation des grandes entreprises pour le bien commun. Les exemples de tels manquements ne sont que trop nombreux en ce qui concerne la destruction et l'empoisonnement de l'environnement. Chapitre 4. Dans le domaine de la finance, depuis la crise de 2008, il semble que les gouvernements du monde entier favorisent les intérêts des secteurs de la banque et de l'investissement au détriment de la population, ce qui a conduit à des inégalités extrêmes. Chapitres 1 et 2. La montée en puissance des entreprises technologiques états-uniennes telles que Meta, Alphabet et Twitter, qui façonnent la conscience politique et le commerce dans les pays du monde entier, ébranle également le sentiment des citoyens-citoyennes que leurs gouvernements sont aux commandes, à l'exception du gouvernement états-unien. Autrefois, la prise de conscience de la perte de souveraineté des gouvernements nationaux au profit des entreprises et de la finance internationale n'était guère qu'une pensée marginale dans le domaine de l'anti-mondialisation que j'ai analysé pour l'ONU il y a 20 ans. À l'époque, on estimait que le commerce international et les marchés de capitaux avaient compromis la capacité des États-nations à contrôler leur propre économie. Depuis lors, les tentatives de remédier aux impacts d'un capital mondial débridé par le biais de diverses initiatives internationales sur des questions telles que la santé et le climat ont suscité une nouvelle vague de critiques à l'égard de règles et de lois qui échappent au contrôle démocratique national. L'identification ultérieure de certaines mondialistes en particulier, tels que Bill Gates ou Klaus Schwab, a peut-être popularisé cette critique, mais elle a aussi réduit son pouvoir explicatif en laissant entendre ou en affirmant que nos problèmes sont causés par des individus ou des cabales plutôt que par des systèmes de capitaux mondiaux. la coopération et le bien-être, d'autres ingrédients du ciment culturel. Les sociétés modernes impliquent des mouvements complexes de ressources, de personnes et d'informations qui nécessitent toute une série d'infrastructures de communication. Les personnes doivent être formées et disposées à jouer leur rôle au sein de bureaucraties organisationnelles complexes, qu'elles soient privées ou gouvernementales. Cette volonté implique d'accepter de jouer un rôle spécifique au sein d'une hiérarchie où l'on dispose d'une autonomie limitée et où l'on ne retire pas nécessairement beaucoup de résultats tangibles de ses efforts au-delà du fait d'être payé. Ce qui soutient cette bonne volonté, c'est l'hypothèse ou la croyance explicite selon laquelle les systèmes collectifs d'une nation, d'une société et d'une économie de marché sont légitimes ou du moins tolérables, de même que le sous-système que constitue le propre employeur d'une personne. Dans les sociétés modernes, cette légitimité repose sur la croyance en des récits liés à la collectivité, tels que les identités nationales ou culturelles, ou en des récits sur les dangers d'arrangements alternatifs. La tolérabilité des sociétés dépend de l'épanouissement personnel des individus, de leur conviction que l'avenir sera meilleur pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, et de l'absence d'alternatives viables. L'ouverture générale des personnes à l'interaction sociale et économique est également importante. Si les gens ont peur ou se méfient des autres personnes et des organisations, le potentiel d'interaction diminue. Même si un certain degré d'ouverture est nécessaire pour tout type de société, les sociétés modernes exigent des individus qu'ils aient un plus grand nombre d'interactions, et non une plus grande profondeur, avec une diversité de personnes que dans d'autres types de sociétés. L'ensemble de ces facteurs constitue ce que l'on peut appeler l'ingrédient coopératif, team working ingredient, du ciment culturel qui lie les sociétés modernes. Bien que le terme capitalisme décrive un ensemble particulier de règles et d'institutions économiques, les perspectives à ce sujet reflètent les points de vue sur l'ordre économique général tels que les gens en font l'expérience dans les sociétés de consommation industrielle. Selon une vaste enquête menée dans le monde entier, une majorité de personnes sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle le capitalisme fait plus de mal que de bien sous sa forme actuelle. Une autre enquête a révélé que seuls 45% des jeunes adultes vivant à l'épicentre du capitalisme, les États-Unis, avaient une opinion favorable de ce système. Sur l'ensemble des adultes états-uniens et états-uniennes, seuls 56% considéraient le capitalisme sous un jour positif, le score le plus bas depuis 2010. La prise de conscience généralisée à propos des subventions publiques accordées aux plus grandes entreprises depuis la crise financière y a contribué. Elles ont été perçues comme un capitalisme dur pour les gens ordinaires, mais comme un socialisme mou pour les élites. Le fait que les plus riches du monde conservent jusqu'à 32 milliards de dollars de leurs actifs dans des paradis fiscaux offshore tourne également en dérision le système fiscal auquel nous, les gens normaux, devons obéir. Et ce, avant même de considérer l'évasion fiscale commise à une échelle industrielle par les entreprises internationales. Ce que la jet-set de Davos que j'ai fréquenté ne semble pas comprendre, c'est qu'on assiste à un déclin de la confiance et de la cohésion sociale parce qu'il y a bel et bien des raisons valables de se méfier et de vouloir se rebeller. Lorsque les élites font face au type de problèmes que j'ai décrits dans ce livre, leurs approches reflètent leur monde insulaire et leur subtile négativité à l'égard des gens normaux, déclenchant ainsi un ressentiment justifié et des réactions brutales. La situation est aujourd'hui telle que ce n'est pas seulement l'ordre économique qui perd sa légitimité supposée. Un rapport de l'Université de Cambridge, publié avant la pandémie, ayant analysé des données provenant du monde entier, a conclu que la satisfaction à l'égard de la démocratie, je cite, « s'est érodée dans la plupart des régions du monde, avec une baisse particulièrement notable au cours de la dernière décennie. La confiance du public envers la démocratie est au plus bas niveau jamais enregistré aux États-Unis, dans les principales démocraties d'Europe occidentale, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Fin de citation. Les auteurs, autrices notent que dans certains pays, je cite, cet indicateur atteint maintenant un seuil important. Le nombre de personnes insatisfaites de la démocratie est supérieur au nombre de personnes qui en sont satisfaites. Par ailleurs, la chute de la satisfaction envers la démocratie a été particulièrement prononcée dans les pays qui étaient censés être particulièrement stables, les démocraties développées à revenus élevés. Fin de citation. Une étude réalisée en 2021 par l'Université de Harvard a même révélé que seuls 7% des jeunes États-Unis considéraient leur pays comme une démocratie saine. Le déclin de l'enthousiasme pour la démocratie a ouvert la voie à des partis politiques plus contestataires. S'appuyant sur les données d'opinion publique de la World Value Survey et de divers sondages nationaux, des chercheurs-chercheuses ont écrit dans le Journal of Democracy que, je cite, le succès des partis et des candidats-candidates contestataires n'est pas une aberration temporelle ou géographique, mais plutôt le reflet d'une désaffection populaire croissante à l'égard des normes et des institutions libérales démocratiques et d'un soutien croissant apporté aux interprétations autoritaires de la démocratie. Fin de citation. Les auteurs-autrices considèrent qu'il s'agit d'un aspect de la déconsolidation des sociétés. Je parle, pour ma part, de désolidarisation. Une polarisation politique est aussi à l'œuvre, comme l'incarnent celles et ceux qui se diabolisent les uns les autres sur la base de leurs opinions sur leurs affaires courantes, abandonnant toute nuance. Ce phénomène atteint de telles proportions qu'il est même considéré comme le principal risque mondial par certaines spécialistes du risque politique. Une étude faisant autorité sur la question a confirmé que la polarisation s'est répandue et que, je cite, « elle déchire le tissu démocratique dans le monde entier, du Brésil à l'Inde, en passant par la Pologne et la Turquie ». Fin de citation. La nature mondiale de ce phénomène trahit la présence de causes transversales. Serait-ce la réduction du niveau de vie de tant de personnes que nous avons examinées au chapitre 1 ? Serait-ce le sentiment d'aliénation vis-à-vis des gouvernements, du capitalisme et de la démocratie dont témoignent les données ci-dessus ? Serait-ce l'expérience d'un environnement dégradé et déstabilisé que nous avons exploré dans les chapitres 4 et 5 ? Certaines chercheuses affirment aussi que l'un des moteurs communs de la polarisation est la perturbation du secteur des médias due à la technologie. Des études sur la montée des opinions extrémistes en Asie de l'Est ont également mis en évidence le rôle des médias sociaux. Une enquête d'opinion menée dans plusieurs pays a révélé qu'une majorité de personnes interrogées pensaient que les journalistes essayaient délibérément d'induire les gens en erreur, en proférant des mensonges. Cela reflète une dégradation de l'écologie de l'information dans laquelle nous vivons, au niveau mondial, en raison de deux facteurs clés. Tout d'abord, les médias traditionnels ont été massivement consolidés et sont passés sous le contrôle de sociétés internationales qui ont réduit leurs frais généraux de personnel pour rechercher de nouveaux profits, dans un contexte marqué par l'effondrement des recettes publicitaires et des abonnements suite à la montée en puissance des nouveaux médias. C'est peut-être la raison pour laquelle, au beau milieu d'une crise mondiale du coût de la vie, les journalistes des médias traditionnels ont soudain oublié que l'inflation était le résultat de la politique monétaire et ont préféré pointer du doigt toutes sortes d'autres explications moins menaçantes pour les élites. Chapitre 2. Deuxièmement, les nouvelles organisations médiatiques ou médias sociaux tels que Facebook, Meta ou YouTube, Alphabet, sont devenues mondialement dominantes et exercent une influence incroyable sur la manière dont les gens accèdent aux contenus publiés sur les questions d'actualité, avec des conséquences problématiques. Par exemple, elles permettent aux organisations politiques de mentir aux utilisateurs-utilisatrices ciblés par le biais de publicités payantes. Plus un groupe politique a d'argent, plus il peut répandre de mensonges et plus il peut surenchérir pour marginaliser tout contenu venu de l'opposition. En outre, ces entreprises filtrent la visibilité de ce que nous observons, de sorte que nous recevons une fausse impression de ce que pensent nos contacts, d'une manière qui s'aligne sur les stratégies des entreprises et des agences des gouvernements nationaux. Il est important de noter que ce sont les entreprises et les agences gouvernementales états-uniennes qui exercent principalement ce pouvoir et qui, par conséquent, façonnent les perceptions dans les pays du monde entier en fonction des intentions de ce gouvernement ou de ces entreprises. Grâce à nos appareils et à nos applications, notre perception est taillée sur mesure, ce qui affecte de plus en plus de moments de notre vie quotidienne, où que l'on vive. Par ailleurs, cela relègue au second plan la sphère des discussions et dialogues publics au niveau local et national. L'influence de ces nouveaux médias peut aussi détourner les gens des vrais sujets de préoccupation, promouvoir des réponses commerciales à tout problème, désigner des boucs émissaires et conduire à ignorer ou délégitimer des analyses plus approfondies en promouvant des opinions superficielles ne présentant pas de menaces substantielles pour le pouvoir en place. Une enquête menée dans 27 pays a révélé que la confiance en l'avenir est faible, en particulier dans les sociétés les plus riches. Une question demandait si les enfants seront mieux lotis financièrement que leurs parents lorsqu'ils et elles seront adultes. Et dans seulement 2 des 18 pays économiquement avancés, une majorité de personnes a répondu par l'affirmative. Cela représente un changement radical par rapport à il y a plus de 10 ans, lorsque la croyance en un avenir économiquement meilleur que le présent était largement répandue. Le changement climatique est souvent cité comme une raison de cette vision négative de l'avenir. Cette évolution des perceptions a des conséquences importantes sur notre capacité à retarder notre sentiment de gratification et, par conséquent, sur notre croyance qu'il vaut la peine de se former et de trouver un emploi pour des raisons de revenus monétaires et d'épargne pour l'avenir. En outre, le déclin de la croyance en des lendemains meilleurs implique également que l'ordre actuel des choses est moins digne de notre respect. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines voix venues des institutions dominantes et certains médias se sont montrées si hostiles aux chercheurs-chercheuses qui, comme moi, concluent que les sociétés modernes ne peuvent pas continuer. Bien que la peur généralisée qui s'est manifestée au cours des premières années de la pandémie ait pu susciter un respect suffisant des institutions pour garantir l'obéissance, le déclin sous-jacent du respect envers les institutions établies n'a pas été inversé. Au contraire, ce déclin pourrait être en train de s'accélérer à mesure que les gens prennent conscience de l'irresponsabilité des professionnels travaillant dans les institutions médicales, médiatiques et autres. C'est peut-être la raison pour laquelle ce sont les mêmes personnes critiquant le catastrophisme, doomisme, qui se sont montrés si hostiles envers celles et ceux désapprouvant la réponse orthodoxe à la pandémie. Certains messages du gouvernement et des médias autour de la pandémie, qui ont diabolisé les gens qui n'étaient pas d'accord avec les politiques publiques de l'époque, ont eu l'impact malheureux d'accentuer la polarisation. Avant même la pandémie, une grande majorité d'États-Uniens et États-Uniennes déclaraient qu'ils et elles constataient une baisse de la confiance des personnes les unes envers les autres. Celles et ceux d'entre nous qui croient aux droits humains ont de quoi s'inquiéter. Une méfiance croissante à l'égard d'autrui peut conduire au désir de voir le gouvernement exercer un contrôle accru, voire de l'autoritarisme. Les campagnes de propagande auront beau présenter les politiques autoritaires comme permettant une reconsolidation des sociétés modernes, les adopter en réponse à une méfiance interpersonnelle croissante aurait en fait un effet contraire. Le bien-être personnel est un autre ingrédient du ciment culturel des sociétés modernes. Nous devons donc être suffisamment en bonne santé physique et mentale pour pouvoir participer aux interactions sociales et économiques requises ou récompensé par notre société. Bien entendu, notre bien-être est bien plus important que le maintien des systèmes de consommation industrielle, et l'on peut soutenir que la suppression de notre bien-être favorise en fait nos désirs de consommation et d'accumulation. Néanmoins, les sociétés modernes nécessitent un niveau de bien-être suffisant pour fonctionner, et il y a de plus en plus de signes de problèmes importants à cet égard. Une vision sombre de l'avenir, comme celle que nous venons d'aborder, peut avoir des conséquences sur la santé mentale, en particulier dans une culture qui n'accepte pas de telles perspectives ou l'expression et la discussion publique d'émotions difficiles. Un malaise général face à un présent déstabilisant et à un avenir inquiétant, qui inclut les changements environnementaux, mais s'étend à de nombreux aspects de la vie, tels que l'économie, la société, la culture, la vision du monde, l'identité personnelle et la sécurité, pourrait être en train de mener à une forme de méta-anxiété. Outre ce sentiment d'anxiété générale, beaucoup plus de personnes éprouvent une détresse et des traumatismes directs en étant témoins de perturbations sociétales ou en les subissant, qu'il s'agisse de changements environnementaux immédiats tels que les feux de forêt et les inondations, ou d'effets indirectement liés à ces changements, comme des conflits, des maladies ou des mesures politiques draconiennes. Bien que les expériences difficiles ne conduisent pas nécessairement à des problèmes de santé mentale, il n'y a rien à gagner d'un contexte culturel défavorable ou d'un manque d'assistance appropriée fournie par des professionnels de santé. Il semble que les sociétés modernes ne soient pas à la hauteur du défi, en particulier pour les jeunes, car les problèmes de santé mentale ont augmenté au cours de la dernière décennie dans de nombreux pays. Certaines des études les plus choquantes proviennent des États-Unis, où plus de la moitié des jeunes interrogés ont déclaré s'être sentis abattus, déprimés et désespérés, et 25% ont admis avoir eu des pensées suicidaires au cours des 2 semaines précédentes. Au moment où j'écris ces lignes, les signes d'une crise de la santé physique se manifestent aussi dans de nombreuses sociétés modernes, car les statistiques sur la surmortalité sont en augmentation et restent élevées, sans que l'infection par le Covid n'en soit désignée comme une cause. Dans le même temps, la réinfection par le Covid et ses symptômes à long terme commencent à être considérés comme un nouveau problème majeur pour les individus et peut-être pour les sociétés. Chapitre 4. Un nombre croissant de personnes sont en train de quitter leur emploi, mais on ne sait pas si c'est pour des raisons de santé physique ou mentale, du fait d'une combinaison des deux, ou pour d'autres raisons liées au fait que leurs priorités ont changé au cours de la pandémie. Avoir une vision négative de l'avenir peut également influencer ces décisions, et de tels états d'esprit ont pu conduire au phénomène de la grande démission. Il est difficile, voire impossible, d'affirmer que c'est tel ou tel facteur qui est à l'origine des tendances que j'ai brièvement présentées dans ce chapitre. En outre, ces dernières pourraient être classées et reliées entre elles de multiples façons, car elles ont toutes des implications et des effets d'entraînement multiples. Toute tentative de synthèse sera nécessairement imparfaite. J'espère donc que la mienne est acceptable, si ce n'est révélatrice. Prendre acte de l'effondrement, et après ? Les fissures à la surface des sociétés modernes, les fractures dans leurs fondations et l'effritement du ciment culturel se combinent pour produire des niveaux d'anxiété élevés. Si votre expérience de vie ressemble un tant soit peu à la mienne, vous n'avez pas besoin que je vous présente d'autres données sur cette anxiété généralisée, parce que vous la ressentez vous-même et en discutez autour de vous. Je pense qu'il est normal de s'ouvrir les uns aux autres sur ces sentiments et pas seulement comme prélude à un encouragement mutuel à nous ressaisir pour mieux revenir à l'optimisme. J'estime qu'il est temps d'avoir ce genre de discussion en public plutôt qu'en privé. Je pense également qu'une fois que nous aurons fait cela, nous pourrons trouver ensemble, dans le dialogue, de nouvelles façons de vivre des vies épanouissantes et pleines de sens à une époque de perturbations incessantes, d'effondrement et plus encore. Je suis rassurée par le fait que les nombreux et nombreuses psychologues que j'ai lus et avec lesquels j'ai discuté de ces sujets s'accordent à dire qu'il est important de normaliser les émotions liées à notre situation plutôt que de les refouler. Cet apprentissage a été si important pour mon propre parcours que j'ai fini par publier des articles dans des revues de psychothérapie et par prononcer des discours lors de conférences de psychothérapie, ce que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'étais expert en durabilité des entreprises. Je ne veux pas embellir ce processus outre mesure. En effet, s'autoriser pleinement à accepter la situation que je décris dans ce livre implique de traverser des périodes de désespoir et de questionnement sur ce qu'on a fait de sa vie ou sur la manière dont on va vivre à l'avenir ou protéger ses proches. Et ces périodes peuvent se répéter de la même manière qu'un travail de deuil n'est jamais totalement terminé. Mais ce processus peut conduire à des résultats importants, comme je le décrirai plus en détail au chapitre 12. Il y a aussi un côté positif à cette terrible situation. Cela m'est apparu clairement lors du lancement du rapport des Nations Unies sur les crises de l'inégalité que j'ai cité plus haut dans ce chapitre. Assise à côté de moi, une jeune femme, qui préparait un diplôme de troisième cycle, écoutait des exposés sur la myriade de problèmes causés par la poursuite effrénée du pouvoir par les élites. Elle a demandé aux intervenants à quoi il servait de s'attarder sur ces aspects, étant donné que toute personne osant contester le pouvoir de ces personnes et systèmes se trouverait punie de nombreuses manières, soit en n'étant pas embauchée, financée, promue, félicitée ou appréciée, soit, dans certaines parties du monde, en subissant des sorts bien pires encore. Les intervenants n'avaient pas de réponse à lui offrir. C'est alors que j'ai réalisé que la désolidarisation culturelle des sociétés modernes pourrait conduire à un soutien massif en faveur de la transformation des systèmes dominants. Cela pourrait s'avérer douloureux, mais la rupture crée à tout le moins la possibilité d'un changement. Cependant, je ne prétendrai pas que c'est chose facile ou que nous avons soudainement gagné l'accès à des points de basculement sociaux. Au contraire, au vu de bon nombre des processus que j'ai décrits ci-dessus, nous avons une tâche énorme à accomplir pour essayer de tirer le meilleur parti de l'effondrement des sociétés modernes. Premièrement, l'écologie de l'information des médias de masse et sociaux est terriblement altérée par des incitations autres que la recherche de la vérité et de la compréhension, à tel point que le grand public, comme les experts expertes professionnels, peuvent se trouver mobilisés au profit de stratégies servant des intérêts commerciaux, qu'il s'agisse de la chasse aux clics par les médias sociaux ou de la défense d'intérêts acquis par les médias traditionnels. Deuxièmement, les forces au pouvoir ont occulté les analyses cohérentes pointant du doigt les causes capitalistes des problèmes persistants et la manière d'organiser le changement. Troisièmement, avec le déclin des syndicats, les institutions de la société civile qui permettent aux gens de dialoguer et de s'organiser contre les pouvoirs en place se sont également raréfiées. Quatrièmement, les changements environnementaux continueront d'entraîner des perturbations de plus en plus graves et fréquentes, allant des sécheresses aux maladies zoonotiques qui, ensemble, réduiront le temps, les ressources et la patience nécessaire pour gérer des transitions vers de nouveaux arrangements sociétaux, quel que soit le processus politique. Par conséquent, si je pense que la rupture permet un changement, et d'une manière qui était hors de notre portée auparavant, cela ne nous donne aucune raison de croire que nous réussirons. Cela signifie simplement que nous avons une chance de nous montrer plus inventifs et inventives. C'est bien là ce que je souhaite. En effet, dans la suite du livre, nous observerons les tentatives destructrices des élites de différents secteurs pour maintenir leur pouvoir dans un monde en désagrégation, chapitres 8 et 13. Notre résistance à leurs efforts sera facilitée par une meilleure compréhension de la manière dont l'humanité en est arrivée à cette situation et de la manière dont les élites ont obtenu leur pouvoir et façonné leurs attitudes. Une telle analyse n'a pas pour but de désigner des coupables, mais d'éviter de répéter les erreurs du passé en cette nouvelle ère d'effondrement. Nos efforts de compréhension en valent la peine s'ils conduisent à ce que nous soyons plus nombreux et nombreuses à nous effondrer ensemble plutôt que séparément. C'est porté par cet espoir que j'ai persévéré à produire la première moitié de ce livre. Désormais, nous pouvons nous tourner vers des idées plus stimulantes qui deviennent envisageables une fois qu'on a accepté la vérité suivante. Nous vivons bel et bien une ère d'effondrement.